Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Et oui, Fadjet fête ses 30 ans avec 30 heures de direct et jusqu'à 16 heures. Eh bien, c'est moi, c'est Swan, qui vais avoir le plaisir de vous accompagner. Au programme de 7 heures, eh bien, nous aurons une rétrospective de l'univers musical que l'on pouvait entendre en 1991. Comme tous les 21 juin, nous fêtons la musique sur Fadjet. Nous écouterons donc un extrait de celle de 1991. L'interview de la personnalité de Fadjet sera consacrée à l'ancienne directrice de Fadjet, Marie-Claude Vivier. Et pour commencer, voici un petit éphéméride de l'année 91. 94 sur Fadjet, c'est la vie en moins, c'est la vie en plus. 94-2, tout va mieux sur Fadjet. Hey, la vie en moins, la vie en plus, je suis bien. Ah, ça c'est du jingle, hein, typique 1990, un peu kitsch mais vraiment excellent. Et oui, car nous évoquons tout au long de 7h jusqu'à 16h l'année 1991. Et cette année 1991, eh bien, fut riche en événements culturels pour commencer, puisque Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau avec Depardieu remporte 10 Césars. Et puis côté américain, eh bien, c'est Le Silence des Agneaux avec Anthony Hopkins et Jodie Foster qui lui remporte 5 Oscars majeurs, soit meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleur acteur et meilleure actrice pour Anthony Hopkins et Jodie Foster. Côté politique, notons un événement un peu triste puisque c'est le début de la première guerre du Golfe. Et puis il y a aussi le prix Nobel de la paix qui est décerné à Aung San Suu Kyi, secrétaire générale de la Ligue nationale pour la démocratie, parti opposé à la dictature en place en Birmanie, dictature qui la place en résidence surveillée et pour l'empêcher d'exercer son activité politique. Elle sera libérée le 13 novembre 2010 et cette année, en 2015, eh bien, son parti vient de remporter les premières élections libres de Birmanie, comme quoi il y a toujours de l'espoir. Et donc voilà, en 91, Aung San Suu Kyi recevait le prix Nobel de la paix. Quant à nous, eh bien, sur Fadjet, nous avions des questions à poser à l'abbé Pierre. Depuis 1985, Fadjet, un lieu unique d'accueil, d'écoute et d'expression pour et avec des jeunes. Ils sont tous passés au micro de Fadjet. De l'abbé Pierre à Antoine Decaune, de Jean d'Ormesson à Lilian de The Voice, ils sont le symbole de la diversité des programmes de Fadjet. Tout de suite, un morceau choisi juste pour vous. Dans notre placard à archives, on a retrouvé des pépites, en l'occurrence en 1991, une rencontre téléphonique avec l'abbé Pierre en personne. Souvenez-vous, c'était il y a 24 ans pour ceux qui étaient nés, l'abbé Pierre découvrait Fadjet. J'ai cherché à vous joindre et j'ai appelé Radio France de Nancy. Après, ils m'ont dit que ce n'était pas eux. Après, ils ont appelé, ils m'ont donné le téléphone de la radio Jéricho. C'était aussi pas eux et je ne savais pas ni votre téléphone ni votre nom. J'aurais dû le prendre quand vous m'avez appelé. Alors, c'était quelle radio ? Fadjet. Ça veut dire ? Fréquence de l'aumônerie des jeunes de l'enseignement technique. Ah, voilà. Voilà. Fréquence de l'aumônerie des jeunes de l'enseignement technique. Alors, ça fait quoi comme initiale ? Fadjet. Tout simplement, voilà. C'était un extrait de l'interview qu'avait donné l'abbé Pierre sur nos ondes de Fadjet en 1991. Et 1991, c'est surtout l'année du rapprochement entre l'ancien bloc de l'Est et le reste du monde, puisque la dissolution de l'URSS fait souffler un vent nouveau. Le vent du changement, Wind of Change, comme le chante Scorpion cette année-là, et qui lui vaudra de passer 5 semaines en tête des charts français. On se retrouve juste après avec l'interview d'une personne qui a marqué l'histoire de Fadjet. Mais pour le moment, il est temps de siffler un peu. And down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Thank you. closing in. And did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Et oui, c'est les 30 heures de direct de Radio Fadjet pour célébrer les 30 ans de cette belle station. Je suis Swan et je suis avec vous jusqu'à 16 heures en direct du studio Marie-Claude. Pourquoi s'appelle-t-il comme ça? Eh bien, c'est en l'honneur de l'ancienne directrice de Radio Fadjet, Marie-Claude Vivier, qui a eu la gentillesse de revenir sur son parcours au sein de cette maison en répondant à quelques questions. Bonjour Marie-Claude, vous avez été directrice à Fadjet. Alors on a beaucoup entendu parler de vous, il y a même un studio qui porte votre nom ici au 47 rue Charles III. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre rôle à l'époque ? Eh bien je suis arrivée dans des circonstances particulières, c'est que le père fondateur, Guy Lescane, m'a demandé de lui succéder. Et ça c'était pas facile, hein, c'était le fondateur, c'est un personnage très charismatique, que je connaissais bien. Et donc c'était difficile et en même temps ça me tentait beaucoup, ça me passionnait vraiment. Et donc j'ai dit oui et je me suis tout de suite rendu compte qu'il y avait plein de difficultés. D'abord de succéder à quelqu'un comme lui. Deuxièmement, j'ai appris très rapidement qu'on allait déménager. Et puis Troisièmement, avec le départ de Guy, il y a beaucoup de bénévoles qui sont partis, qui étaient là avec lui, pour lui, voilà. Et donc c'était un démarrage difficile et en même temps, je savais que j'avais envie qu'il se vive quelque chose et j'ai tout de suite été passionnée par cette radio. Parce que le rôle d'une directrice dans une structure comme Fadjet, ça consistait en quoi exactement ? C'était beaucoup d'administratif, beaucoup de gestion de projet ? Honnêtement, la radio m'a jamais beaucoup, beaucoup passionnée. Je ne comprends pas grand-chose, même encore aujourd'hui, je ne comprends pas grand-chose. Je trouve merveilleux que le micro marche, mais je ne comprends pas grand-chose. En revanche, ce qui me passionnait, c'était l'idée que la radio, c'était un outil de parole, d'écoute et de parole pour des jeunes pas en très bon état, plutôt en difficulté, ou des jeunes fragiles. Et ça, je trouvais que c'était formidable. Je me disais que peu d'outils sont aussi intéressants. Pour moi, c'est des souvenirs extraordinaires d'entendre des jeunes « j'aurais jamais cru qu'on me laisserait parler dans une radio ». Disait un jeune qui avait la figure toute abîmée, qui parlait mal et tout. Effectivement, il faisait une émission qui était franchement pas terrible, mais il était tellement heureux de la faire. Exactement. Ou bien un autre jeune qui disait je croyais que le monde entier m'écoutait. C'était ça, c'est magnifique. Quand on a passé 10 ans à Fadjet, on se retrouve à faire quoi ensuite ? Eh bien, théoriquement, en quittant Fadjet, j'étais crevée et je m'étais dit « Ouh, je m'arrête un petit peu ». Et puis, il y a une proposition qui m'a été faite et qui correspondait tout à fait à mon chemin. On m'a proposé d'être aumônier en prison à Charles III et puis ensuite à la prison d'Écrouves à côté de Toul. Aumônier, ça consiste en quoi ? Représentant à la fois de l'Église, pour moi l'Église catholique, et en même temps, on a le feu vert de l'administration pénitentiaire. On faisait un peu de l'aide sociale en fait. Tout à fait, mais beaucoup d'écoute surtout. C'est D'accord. beaucoup d'écoute et c'est pour ça que c'est dans la suite assez logique de Fadjet, d'autant que j'ai retrouvé en prison certains quelques anciens. Jeunes que j'avais connus à Fadjet. Si vous aviez une anecdote à nous donner, à nous offrir comme ça sur un plateau, la petite question piège du moment, ça serait quoi votre meilleur souvenir à Fadjet par exemple ? Alors, mon départ. Alors, je ne sais pas si ça se fait de dire que c'est mon départ qui était le plus beau, mais oui, c'était mon départ au bout de 10 ans. Le monde qui était présent, des anciens, des qui venaient d'arriver, des qui étaient là depuis des années, des qui étaient là avant moi, des jeunes, des vieux, et avec une très très très belle fête sur le parvis là devant la radio. Oui, c'était vraiment très très très beau et c'est probablement le plus beau souvenir. Merci beaucoup Marie-Claude de nous avoir donné vos impressions et vos souvenirs sur Fadjet. Merci de m'avoir permis de retrouver un peu le chemin des studios et de la maison. Fadjet, une radio associative non commerciale. Un lieu unique d'accueil, d'écoute et d'expression pour et avec des jeunes. 150 bénévoles et plus de 60 programmes par semaine. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Et oui, c'est plus qu'une radio, c'est aussi de la solidarité. Et c'était donc l'interview de Marie-Claude Vivier, ancienne directrice de Fadjet. Tous les ans, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Et à Fadjet aussi, on fête la musique. Et pour ce faire, eh bien, des artistes locaux se relaient toute la journée et viennent interpréter en direct leurs compositions dans nos studios. Petit extrait de cette fête de la musique de 1991. La fête de la musique 1991, ça avait une drôle de tronche à la radio. C'était un peu les débuts, Full Metal Fadjet était déjà proche de l'antenne et du coup, la fête de la musique 91 avait des accents assez punk rock, notamment avec le groupe Ta Gueule Simone. On s'appelle les Ta Gueule Simone. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va, on a la pêche et tout, on va faire la fête ce soir. Ok ? Viens dans le mur, dans les bouches. Ça s'appelle radioactivité. 1, 2, 3, 4. Voilà, le but c'était un petit peu l'expression musicale dans toute sa splendeur. Donc on vous fait découvrir ce qui était à l'antenne en 91. Ceci dit, même si la musique était très punk à l'époque, et bien finalement la situation n'a pas trop changé quand on écoute les commentaires du groupe entre les chansons. Alors ok, c'est difficile de s'en avoir beaucoup de temps. On a tous besoin de l'argent. Si vous en avez, c'est bien. Mais j'en ai pas, tant pis. Mais bon, on dira ce qu'on voudra sur l'argent. Tant pis, ça s'appelle Mona Lisa. Ok, relance, Patrice. Bref, on va pas vous passer la fête de la musique 1991 en entier. Le but, c'était juste de vous montrer que déjà à l'époque, on avait beaucoup d'ouvertures musicales. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Après cette présentation musicale extraite de la fête de la musique 1991, place à Bienvenue chez Swan. Swan, il n'a pas d'autre nom. Son passé est un mystère, son œuvre déjà une légende. C'est les 30 ans de Fadjet, bienvenue chez Swan. Et oui, les 30 ans de Fadjet continuent, on est ensemble jusque 16h, c'est un horaire un peu particulier pour Bienvenue chez Swan. Et au cours de ces trois quarts d'heure qui nous restent à passer ensemble, eh bien, on va évoquer l'année 91. Mais avant d'évoquer l'année 91, je voulais vous parler de mes débuts en radio. Moi, si j'ai commencé la radio, il y a de ça 10 ans, et oui, je suis arrivé pour les 20 ans de Fadjet, donc c'était il y a 10 ans, c'est parce que moi, je n'entendais pas à la radio ce que j'aimais écouter. Une envie de partager, de faire découvrir ce que j'aimais entendre, la musique que j'aimais. La première émission que j'ai animée, c'était une émission de live appelée « Fadjet part en live ». Et l'un des premiers morceaux que j'ai dû diffuser sur cette antenne, c'est Metal Heart du groupe Accept, tiré d'un album live, puisque l'émission était en live, qui s'appelle Staying Alive, sorti en 90. Mais ça a été enregistré il y a 30 ans, en 1985, au Japon, à Osaka. Voici donc en live le groupe allemand Accept avec Metal Heart. Détendez-vous, ce n'est que de la radio. Vous êtes chez Swan, on est ensemble, bien jusque 16h. Accept en 1985, enregistré au Japon à Osaka, c'était Metal Heart. Accept, à cette époque-là, ils étaient vraiment au top. On est ensemble jusque 16h pour ces 30 ans de Radio Fadjet et les 30 heures de live et le 30 heures de direct. Donc bienvenue chez Swan exceptionnellement et jusque 16h et une heure par année. Hein, et bien aujourd'hui, de 15h à 16h, on va évoquer l'année 1991. Ah, une année riche en musique, puisqu'en septembre par exemple, 1991, sortaient simultanément deux disques, Use Your Illusion 1 et Use Your Illusion 2 des Américains de Guns N' Roses. Deux excellents albums dans lesquels on retrouvera les tubes et les ballades de November Rain et Don't Cry. Mais ces albums furent un peu le point d'orgue de leur carrière puisqu'ils ne sortiront rien de bien intéressant après. Voici tiré de Use Your Illusion 1, Don't Dame Me. Don't They Me de Guns N' Roses, tiré de l'album Yours, Yuri, le jeune one, qui comprend quelques invités, dont le mythique Alice Cooper, qui en cette année 1991, eh bien sortait Hey Stupid, son 19e album, et oui, déjà. Album avec quelques guests, dont Slash de Guns N' Roses sur la chanson-titre, ou Nicky Six, bassiste de Motley Crue, sur Feed My Frankenstein, chanson qu'il interprétera d'ailleurs dans le film Wayne's World, dans lequel il tiendra un petit rôle, sorti l'année suivante. Alice, c'est cool qu'on entre ? Yeah, come on in. Oh, on est désolé de débarquer comme ça, mais il fallait qu'on vienne te dire combien on a adoré ton concert, c'est pas vrai, Gart ? Thanks. Hey, on n'est pas des casse-couilles, alors n'aie pas peur. Hein. Moi, je m'appelle Wayne et lui, c'est Gart. Nice to meet you guys. Alors, est-ce que tu viens à Milwaukee souvent ? Well, I'm a regular. Je suis un visiteur assidu, mais Milwaukee a eu son compte de visiteurs. Des missionnaires et explorateurs français venaient fin 17e siècle troquer avec les Indiens. Au fait, Milwaukee, c'est indien comme nom ? Oui, Pete. Ça se prononce Milwaukee. Ça signifie en algonquin la bonne terre. Figure-toi que j'en savais rien. Voici un des aspects les plus intéressants de Milwaukee. C'est la seule grande ville américaine à avoir élu 3 maires socialistes. Ce type a le sens de la fête ou quoi ? Hein ? Hein ? Hein ? Ok. Ouais, on va vous laisser, hein ? Non, restez, discutons. Oh, cool ! D'accord, on reste ici, on va discuter avec vous. Avec Alice Cooper. On mérite pas. On est tout petit, on est à chier. Yes, I know you're hungry. Ah, and here comes dinner. Frankenstein. Alice Cooper en 1991, Feed My Frankenstein, tiré de l'album Hey Stupid. Avec Alice Cooper et Guns N' Roses, eh bien, on a une petite représentation de la scène hardivie traditionnelle des années 90, style qui est d'ailleurs un peu mis de côté dans les ventes d'albums, même si Guns N' Roses va cartonner. Guns N' Roses sera un peu l'un des derniers fleurons de ce style de musique hard rock, hardivie, un peu old school. J'ai envie de dire place aux jeunes, hein, puisqu'il y a de la nouveauté qui se prépare dans le rock dans cette année 80, début 90, je vais y arriver. Et en 91, la sensation vient de Seattle avec des groupes comme Alice in Chains, Pearl Jam ou Soundgarden, et surtout avec Nirvana qui en 91 sortira son deuxième album, le cultissime Nevermind, sorti dans lequel on retrouve bien entendu des morceaux comme Breed par exemple, qui est pas le morceau le plus connu, mais il y a Smell Like Teen Spirit, le vieux trou, comme Smell Like Teen Spirit bien entendu, qui sera le tube aussi en 1991 du côté du rock, et il y aura aussi dans cet album le morceau Breed que je vous propose d'écouter tout de suite. De Nirvana, tiré de l'album Nevermind, sorti le 24 septembre 91, le même jour qu'un autre groupe culte de la fin des 80, début des années 90, Red Hot Chili Peppers. Avec l'album Blue Sugar Sex Magik, c'est la reconnaissance planétaire pour les Américains. Surtout grâce à deux tubes, la ballade Under the Bridge et Give It Away, qui illustrent assez bien l'ambiance de l'album. We'll be right back.

Short of a full deck, I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck, I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever, I'm ready out to sea. This kettle is boiling over, I think I'm a banana tree. It finally happened, finally happened, finally happened, I'm slightly mad. Et oui, en 1991, c'était une année triste puisque Queen sortira son dernier album, Innuendo, le 4 février, et puis le 24 novembre, malheureusement, le chanteur Freddie Mercury va nous quitter. Donc voilà, c'était un petit point sur la musique dans les années 90, en 80, dans les années 91 surtout. Et en 91, va aussi nous quitter un trompettiste de jazz mythique, puisqu'il s'agit de Miles Davis. On va d'ailleurs se quitter avec ça, un morceau qui s'appelle Toutou, tiré de son album du même nom en 86. Cette heure est terminée. Dans un instant, c'est l'année 92 qui va être évoquée avec, parce que Fadjet est aussi pour beaucoup un premier pas dans les médias, les anciens de Fadjet devenus professionnels des médias. Moi, je vous dis, eh bien, à plus, portez-vous bien et suivez bien ces 30 heures de radio pour les 30 ans de Fadjet. Bon anniversaire, Fadjet. Ciao, bye.